Hello and welcome, bonjour, je m'appelle Eric Cooper et je suis à la barre de la Croisière Folk. Je vais vous faire voyager au sein de toutes les facettes de la musique folk. Je voudrais vous rappeler que nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Yes, we have a Facebook page called La Croisière Folk. Do not hesitate to like this page. Alors cette émission, eh bien, si vous venez de la découvrir, sachez qu'elle vous fait découvrir justement, bis repetita, toutes les facettes de la musique folk, puisque le folk, ça n'existe pas. Il y a des tas de genres musicaux différents, et donc vous les découvrez au cours de ces émissions. Aujourd'hui, comme c'est le cas une fois par mois, eh bien nous faisons une programmation 100% interprète féminin. Et on a démarré avec un duo composé de Megan et Debbie, The Smith Sisters. La chanson The River and the Moon, c'était extrait de leur album Road Runner, un album de 1989. C'est un autre duo avec lequel on va poursuivre Indigo Girls, Share the Moon. Et puis il y aura un autre duo féminin qui sera Shelby Lynn et Alison Moorer avec It Is Too Much. L'album s'appelle Not Dark Yet et sorti en 2017. Hein, c'est, la chanson est extraite de cet album-là. Et puis The Troubadour of Divine Bliss avec Lala Song. Et c'est l'album sorti en 2020, Every Heartbeat. Pourquoi vous rigolez à ma façon de prononcer Heartbeat? J'ai difficile à prononcer certains mots en anglais, croyez-moi ou pas. Et donc cet album, dont je ne vais pas reprononcer le nom, est sorti en 2020. Allez, paf, c'est parti pour Indigo Girls. C'est dingue parce que j'ai l'impression que tous les deux vont bien s'entendre. I can go one day without calling, 2 days without bawling, 3 days without missing, but a lifetime of no kissing you. Something that I just can't do. I wish I could be there to share the moon. I'm more back for the breaking, more callous for making, a lifetime for the aching. I got no need to run this battery down. I'm just trying to get the stain down. I wish I could be there to share. If I do, hey la la, I'm gonna love you till it works. I got no mind to lose. Fireflies are returning, nightfall is softly chirping, one trail of light is staying on till dawn. I wonder who it's waiting on. I wish I could be there to share the moon. Love you till it hurts. I don't mind if I do. Hey la la, I'm gonna love you till it works. I got no mind to lose. Is it too much to carry in your heart? Is it too much to carry in your heart? No one else hears the ghost at all. Is it too much to carry in your heart? Is it too much hurting in your eyes? Is it too much? of your tribe. Find your smile when you look in the mirror, and laugh more when you're waiting in long lines. Well, look up at the infinite, feel your place in it. Look up at the infinite, feel your place in it. Let the stars walk you home and the moon kiss you goodnight. Stars walk you home and the moon kiss you goodnight. Stars walk you home and the moon kiss you goodnight. La la la. Dans cette croisière folk, c'était The Troubadour of Divine Bliss avec Lala Song, extrait de l'album Every Heartbeat, sorti en 2020. Et tout de suite, voici notre séquence 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, tout de suite, on se plonge dans cette séquence 1, 2, 3 qui vous fait découvrir un album en 3 chansons. C'est l'album de Belle Grande Fille, l'album Nos Maisons, sorti en 2021. Belle Grande Fille, c'est Anne-Sophie Douré-Coulombe. Sachez qu'après plusieurs années en tant qu'interprète, elle s'est mise à écrire des chansons. Et le mot chanson, il est parfait pour décrire sa musique. Alors en 2020, en cet âge d'or du rap, opter pour la chanson dans le sens le plus pur du terme, ça devient audacieux. Et à la première écoute, lorsque vous allez entendre une des chansons de Belle Grande Fille, vous retrouverez la ruralité du village de son enfance, qui s'appelle Métabetchouan, au lac Saint-Jean, donc elle est québécoise. L'enfance et l'appartenance au territoire, ils sont d'ailleurs des thèmes omniprésents, ils sont souvent en filigrane. Les mélodies, les textes, les arrangements sont simples et grandioses à la fois. Et c'est vrai que ça rappelle un peu un certain Richard Desjardins. D'ailleurs, c'est ce qu'elle admet sans hésitation. Et ce sont toutes ces belles chansons qu'on retrouve dans Nos Maisons, son album que je vais vous présenter. Voici Belle Grande Fille, donc Anne-Sophie Douré-Coulombe, avec Tout est là, De temps en temps et Camping sauvage. Allez, c'est parti pour Belle Grande Fille. Ton corps dans l'herbe haute, où l'insecte est en autre et le soleil est en toi. Y'a pas de mur, cherche les pas. Longue, longue inspiration. L'air pur comme bonsaï. Sur le gazon, cette œuvre d'art. Mais ferme d'en bas la porte de la tente. Check ben ma métaphore épique. J'emprunte les mots de John Donne. Attends, passe-moi si je trouve ça romantique. Qu'into the flea se mixe nos deux sangs. Amène-moi camper au fond d'un bois. Je veux plus rien voir, rien que des arbres pitoués dans le noir. J'ai vu le monde entier, si je pose ma tente juste à côté, on peut-tu dormir collé? Je vais arriver sur un lendemain de veille, gens du pays qui ont viré de sourd. Je pose le pied sur vos fonds de bouteille, je me retrouve à terre, c'est à mon tour, mais je suis revenue. Tu peux-tu le croire? pour te parler d'amour. Amène-moi camper au bord d'un lac que je pourrais boire, puis me noyer dedans comme si c'était de la bière. À m'en saouler, à m'enlacer, t'enlacer toi, jusqu'à m'en oublier. Ouais, jusqu'à m'en oublier. Chaud comme celui d'un volcan, ta peau brûlante comme un désert, de vagues de sable émouvantes, de perles liquides miroitantes, un océan de sueur de lisse, ta lune inonde près de ton dos, je fonce droit sur elle dans mon bateau, cap sur ton fjord, je suis seul à bord. Je construirai un temple avec tes draps sur ta belle plage de ventre blanc. L'UNESCO t'a twisté saint, dont je ferai l'ascension peut-être demain, pour voir le soleil et te lever le matin. Je fais le tour de ton monde en solo, puis je plonge en apnée du sommeil, dans ton triangle des Bermudes, et les au pays des vermeils, dans le creux de ton tissère dans découverte, je vois l'univers en concentré. Dans ma tente sous les couvertes, il manquerait plus rien que toi. Fait que viens donc camper au fond de mes bras, je veux rien savoir d'aller ailleurs puis te perdre dans le soir. J'ai vu le monde entier, mes yeux sont pleins, puis les tiens, c'est dans leur creux que je dors demain. C'est l'album que je vous fais découvrir aujourd'hui dans Belle Grande Fille, dans 1, 2, 3. C'est l'album de Belle Grande Fille, la québécoise, avec l'album Nos Maisons. C'est un album que je vous suggère, album sorti en 2021. Vous avez écouté Tout est là de temps en temps et Camping Sauvage. Vous le savez, on reste un petit peu dans tout ce qui est féminin, puisque nous avons une programmation 100% féminine, et je voudrais vous parler de la Chanbox. Alors, vous avez envie de savoir ce que c'est, vous allez sur leur site, hein, donc chanbox.be, donc chanbox.fr, pardon, .be.fr. Et en fait, c'est Wendy Amran qui est là derrière. Elle est intéressée par la cuisine asiatique, et donc, une fois par mois, elle envoie chez vous, hein, une boîte que vous avez achetée remplie de produits asiatiques. Parce que le gros problème, lorsqu'on va dans un magasin asiatique, c'est que tout est écrit en vietnamien, en chinois, et on est parfois un petit peu perdu. Et en fait, la Chanbox vous explique un petit peu ça, mais elle ne fait pas que vous envoyer des produits, elle vous envoie aussi des recettes et des informations. Moi, j'ai eu un exemplaire de newsletter qu'elle envoie, c'est vraiment impressionnant. Allez, je vous propose qu'on écoute un extrait de cette interview que vous pouvez retrouver. Vous tapez en fait les interviews d'Eric Cooper. Vous pouvez l'écouter sur SoundCloud, sur Radioline, sur Spotify, sur Google Podcast, enfin à plein d'endroits différents. Alors ça, évidemment, tout dépend de la curiosité et de l'ouverture d'esprit. Il y a des ingrédients qui sont vraiment très intéressants nutritionnellement parlant à intégrer dans notre alimentation. Par exemple, les algues qui commencent à arriver en Europe plutôt via la spiruline ou des choses comme ça, plutôt en termes de compléments alimentaires, mais pas vraiment en termes d'ingrédients culinaires. Et c'est vrai qu'en Asie, par exemple au Japon et en Corée, les algues sont énormément utilisées. Ce sont des produits qui peuvent faire peur de prime abord parce qu'on ne les connaît pas, mais en fait, ils sont hyper faciles à utiliser et à intégrer dans plein de recettes différentes. Donc voilà, il faut avoir une ouverture d'esprit pour faire le premier pas. Je pense qu'après, à partir du moment où on arrive un petit peu à les apprivoiser et à maîtriser le goût, non, c'est pas compliqué du tout d'intégrer ces aliments à son quotidien. Moi, par exemple, les algues, j'en mets dans les soupes et dans les salades de façon super régulière parce que ça s'intègre très bien à ce type de plat. J'ai un enfant qui a 4 ans et qui en mange sans aucun souci. Donc, je pense que c'est plus des idées préconçues à dépasser qu'une vraie réalité de palais qui ne s'adapterait pas à certains aliments. Est-ce qu'on adapte le goût des plats asiatiques pour les Européens, ce qui veut dire que par exemple le même plat, un plat coréen par exemple, a un goût totalement différent en Corée, ou bien vraiment c'est le même goût et que si un Coréen vient goûter un plat coréen fait en Belgique, il n'y verra pas la différence? Alors ça évidemment ça dépend des restaurants, mais sincèrement non, je pense que le goût est adapté de manière assez claire aux Européens. Vous parlez de la Corée typiquement ce sont quand même des saveurs très très pimentées. Merci Wendy Amran de nous avoir présenté la Chanbox. Je rappelle, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, eh bien, vous n'hésitez pas, www.chanbox.fr. C'est une foule d'infos. N'hésitez pas à aller sur son site aussi. Vous allez voir, il y a plein d'infos si vous avez envie de cuisiner d'une façon asiatique. Et l'interview de Wendy, eh bien, j'ai eu le plaisir de la réaliser à Bruxelles. Donc, vous allez simplement sur les interviews d'Eric Cooper. Je suis sur Anchor aussi, sur SoundCloud, sur Mixcloud, enfin bref, dans plein d'endroits. Internet Archive aussi, j'ai mis mes podcasts. Et voilà, alors ce que vous entendez là, c'est pas grave, c'est mon chat qui joue et je ne sais pas très bien ce qu'il a fait tomber. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on a écouté un extrait de l'interview donc de Wendy que vous pouvez écouter, bien sûr, dans mes podcasts. Bien, Annick Berube, Me rendre à toi, Caroline Cotter, My Peace, extrait de Home on the River, l'album de 2018, et puis Enya, May It Be. Alors, je rigole parce que mon chat, il me regarde. Oui, il a fait tomber des... Oui, voilà, vous savez que je fais ça chez moi, dans mon petit studio, et parfois, mon chat... Enfin, ça va, quand il joue, c'est bien, mais parfois, vous savez qu'il se couche sur l'ordinateur, et alors là, faire l'émission, c'est bien plus difficile. Allez, tout de suite, voici Annick Berube. Vous avez un chat aussi? Envoyez-moi une photo de votre chat. If you have a cat, don't hesitate to send me a picture of your cat and I will post it on my Facebook page, La Croisière Folk. Je sais comment faire des chansons, ce n'est que des mots et du sang. Je sais comment faire les sons. Qui glisse entre tes doigts. je ne sais pas comment me rendre. Je ne sais pas comment me rendre à toi, à toi. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous protéger et protéger les autres de la COVID-19 sur votre lieu de travail, que vous soyez sur votre lieu de travail ou que vous télétravaillez à domicile. Tout en gardant une distance physique, restez social. Contactez régulièrement votre famille et vos collègues pour vérifier comment ils font face à la situation. Suivez les mesures d'éloignement émises pour votre lieu de travail et restez informé grâce à des informations provenant de sources fiables telles que l'OMS ou votre autorité sanitaire locale. Ce message vous est transmis par l'UNESCO, l'OMS et votre radio locale. Je veux que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Tu me coupes pas, t'écoutes. Et puis de toute façon, même si t'as quelque chose à dire, ça changera rien parce que ce que j'ai à te dire, c'est comme ça, puis c'est tout. D'accord ? Si vous venez de prendre l'antenne, eh bien, vous écoutez La Croisière Folle. Une petite dose, ça calme les anxiétés. Mais à haute dose mélangée à l'alcool, ça devient un antidysleptique hallucinatoire puissant. Si vous avez envie de communiquer avec nous, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de regarder quelques vidéos, eh bien, sachez que nous avons une page Facebook. Yes, we have a Facebook page. Just Facebook. Le nom de cette page Facebook s'appelle La Croisière Folk. Please, don't hesitate to like our Facebook page. I speak English well. I learn it from a book. Et si vous êtes un artiste, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit mot via la page Facebook, donc La Croisière Folk, et nous serons heureux, bien sûr, de diffuser votre album dans notre émission. I appreciate that on first viewing, he seems a little eccentric. La Croisière Folk, eh bien, sachez-le, chez nous, il y a du folk à tous les étages, et sur la terrasse, il y a des bananes. There are Martians who have been exiled from Mars for looking weird, who look less weird than this guy. Bonne écoute, et puis merci de votre fidélité. There are several things you can do to protect yourself and others from COVID-19 in your workplace, whether you are at your work site or teleworking at home. While maintaining physical distance, stay social. Contact your family and colleagues regularly to check how they are coping. Follow distancing measures issued for your location and stay informed through information from trusted sources, such as WHO and your local health authority. This message is brought to you by UNESCO, WHO, and your local radio station. My peace is all I've got that I can give to you. My peace is all I ever had. It's all I ever knew. I give my peace to green and black and red and white and blue. I guess my peace is just about all that I can give to you. My peace is all I've got. It's all I've ever known. My peace is worth a thousand times more than anything I own. I pass my peace around and about, cross hands of every hue. Just about all that I can give to you. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. May It Be. Vous savez, moi, il y a un truc qui est vraiment énervant, parce que j'aime pas le gaspiller, c'est quand on nettoie le frigo et puis qu'on s'aperçoit qu'il y a des aliments qui sont périmés, vraiment périmés. Et à propos d'aliments périmés, vous avez peut-être la mauvaise habitude de vous dire, tiens, zut, le yaourt est périmé depuis 2 jours, je ne peux plus le consommer. En fait, il faut savoir que le yaourt peut facilement se consommer 3 à 4 semaines après la date, vous savez, il y a une date limite de consommation, eh bien, vous n'hésitez pas même à le manger. Bien sûr, maintenant, s'il commence à sentir mauvais et qu'il a une drôle de couleur, mais en général, même un yaourt aux fruits ou un yaourt nature, même sucré, même 1 mois après la date de limite de consommation, est encore valable. Vous avez un pot de crème fraîche, eh bien, retournez-le pour qu'il dure plus longtemps. Du côté des bananes aussi, mettez du papier d'alu sur le haut des bananes pour éviter qu'elles ne mûrissent. Et une information que j'ai appris il n'y a pas longtemps, le lait ne se conserve pas dans la porte du frigo. Alors c'est vrai que c'est plus facile d'accès, mais sachez que ça ne se consomme pas parce qu'il ne reste pas froid en permanence, parce que les gens ouvrent la porte du frigo, donc la température du lait change, ce qui facilite la prolifération des bactéries. Il vaut mieux le mettre en bouteille sur l'une des étagères qui reste toujours froide et votre lait restera bien frais. Le gingembre doit aussi être conservé au congélateur. Et puis alors, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est votre frigo, vous devez le nettoyer. Moi, ce que je fais, je le nettoie à peu près une fois par semaine avec de l'eau chaude et du vinaigre. Il ne faut pas plus, hein. Et vous verrez que c'est très important parce que s'il y a des moisissures, ben, en fait, si vous mangez des aliments qui proviennent de votre frigo dans lequel il y a des bactéries, ben, ça pourrait vous rendre malade. Donc, n'hésitez pas une fois par semaine à faire un petit nettoyage. Vous avez des champignons que vous avez envie de conserver, eh bien, ne les conservez jamais dans un sac en plastique. Et votre pain, eh bien, ne se conserve pas non plus au frigo. Le conserver au frigo le rendra rassis. Il vaut mieux le laisser à température ambiante dans une boîte à pain. Même si, en fait, c'est vrai que les miches de pain du supermarché se conservent plus longtemps au frigo. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est congeler votre pain de façon à en avoir toujours en réserve. Il faut quand même compter une dizaine d'heures pour le décongeler. Voici quelques petits conseils qui, je l'espère, vous aideront. Encore un, peut-être, si vous avez des oignons. Vous savez, ces oignons de printemps, on parlait de cuisine chinoise. Eh bien, une fois que vous les avez utilisés, le bulbe, vous le mettez dans de l'eau. Et il va repousser, donc vous aurez de tout le temps, vous aurez des oignons, vous ne devrez plus en acheter. Il y a plein de petits trucs comme ça, en fait des choses qu'on parfois on jette et qu'on peut récupérer. Ça économise de l'argent et puis c'est aussi très écologique. Moi je vous propose bien sûr de continuer cette programmation musicale avec Christine Scott Benson et Locust Grove, extrait de l'album Stringworks en 2016. C'est un album qui est moitié vocal, moitié instrumental. Ensuite il y aura Angel Olsen, Shut Up, Kiss Me. Yes, Kiss Me. Et après, ce sera Ifa O'Donovan avec The King of All Birds, extrait de l'album Man in a Neon Coat, live from Cambridge en 2016, enregistré en direct hein, cet album au Sinclair à Cambridge dans le Massachusetts en avril 2016. C'est un album qui comprend des performances live en trio de morceaux de ses albums très acclamés, entre autres The Magic Hour et Fossils, ainsi que des reprises de classiques de Johnny Mitchell et Emmylou Harris. Allez, tout de suite, voici Christine Scott Benson. je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Where? pocket when I'm gone. Ifa O'Donovan, The King of All Birds. Et malheureusement, il est temps de se quitter. C'est avec Amélie McCandles, Anyone, un morceau live de 2015 que je vous propose pour terminer cette émission. Merci de votre fidélité. Moi, ça me fait très plaisir. Vous le sentez à ma voix. Hein. Je suis là hyper heureux quand je suis présent avec vous. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine. N'oubliez pas, cette semaine, c'était une spéciale... une spéciale interprète féminin. Et si vous allez sur La Croisière Folk sur Mixcloud, eh bien je reposte les émissions. Donc si jamais vous avez envie de réécouter certaines anciennes émissions, n'hésitez pas à aller sur La Croisière Folk sur Mixcloud. C'est une sorte de podcast. Oh, c'est pas vraiment un podcast, hein. C'est juste pour le plaisir pour vous de pouvoir réécouter ces émissions. Je rappelle, nous avons une page Facebook. Don't forget, we have a Facebook page. Do not hesitate to like the page. Voilà. Je m'adresse aussi à notre public international, puisque grâce à Internet, c'est fou, hein, on est écouté dans le monde entier. Vous imaginez, il y a peut-être quelqu'un à Moscou, il y a peut-être des gens à Jakarta, il y a au Canada peut-être, à Toronto. Est-ce que vous écoutez de Toronto ou de Canberra en Australie? C'est fantastique. Vous êtes à des milliers de kilomètres de moi, et pourtant, c'est comme si on était proche, très proche. Nous sommes intimes. Bien, allez. Ça commence à aller mal, je vais aller me faire un café. Je vous laisse avec Amélie McCandles. On se retrouve la semaine prochaine. Passez de bons moments. Que la force soit avec vous et à la prochaine fois. I'll be back. Mais dans la restauration, t'as appris à monter les explosifs? Ben tiens, comment tu crois qu'on fait le sucre en poudre? Hein? Et le hachis parmentier? Et les compotes? Et avant, vous faisiez quoi exactement? Avant le garage? Les transferts de biens. Et d'où c'est Anyone? Sometimes it's better to draw up everything in a hole and to cover it and run away as possible, not stopping, not fretting, and finally want to speak, I don't want to speak anymore.